Salut tout le monde et bienvenue sur La POC, votre émission de hockey favorite. Je sais pas, là, on n'est peut-être pas vos favoris, mais en tout cas, vous nous écoutez là, puis ça nous fait déjà bien, bien chaud au cœur. Mon nom est JB Gagné, je suis votre animateur pour cette autre édition de La POC, et pour m'accompagner, il est avec moi, comme toujours, Jerry Goodmoo! Hey! Bonjour, bonjour! Bonjour! Cette semaine, non, je ne décapsule pas une bière, je bois du jus de canneberge avec de la vodka, fait qu'on va être soir à la fin. Yeah! Au moins, il y a de l'alcool, parce que moi, je m'en tiens à l'eau, parce que je pense que je fais la réaction à l'alcool. C'est merveilleux. Tu fais de la réaction à l'alcool? J'ai genre le corps qui me pique mon homme après une bière, là. Ah, oh, ouais? Ouais. C'est peut-être la levure dans la bière, par exemple. Ça se peut très bien. Ça donc, serait... si quelqu'un m'écoute et qui a des trucs pour ça, je suis preneur. Ouais, bois de la vodka. C'est anti-réaction. Fait que il y a trop d'alcool là-dedans pour que ça fasse de mal à ton corps. Ben, ça se peut que tu finisses par marcher croche, mais ça, c'est comme une réaction normale. Ouais, c'est un effet secondaire normal. Ceci n'est pas un podcast de médecine, donc on va closer ça, dès là, ce sujet trépidant d'alcoolisme 101. Et cette semaine, on enregistre plus rapidement. D'habitude, on est aux deux semaines. On va revenir aux deux semaines, comme c'était le cas depuis le début de la saison. Mais bon, j'ai un empêchement lundi prochain, donc on s'est dit, on va en profiter. En plus, avec le match des étoiles qui a eu lieu en fin de semaine, on a quand même un peu de matériel. Pour faire comme d'habitude, mentionnons le classement du Canadien de Montréal. Ils sont quatrième toujours dans l'Est avec 65 points à égalité avec les Penguins de Pittsburgh qui sont eux au troisième rang parce qu'ils ont deux matchs en main. D'ailleurs, le Canadien est à 50. Les trois équipes en avant deux ont moins de matchs de jouer. Première position, c'est les Caps de Washington avec 72 points. Ensuite, Columbus à 68 points en 48 matchs. Et pour clore la course aux séries, là, les Rangers sont cinquièmes à 63 points. Ottawa, 58, sont au sixième rang. Philadelphie, 56, septième rang. Et Boston, oui, est en dernière place pour les séries dans les huit premières là, avec 56 points dans l'Est. Du côté de l'Ouest, Minnesota, Chicago, San Jose, Edmonton. Edmonton est quatrième dans l'Ouest. Anaheim, Nashville, Saint-Louis et Calgary sont les équipes qui ont une chance de faire les playoffs jusqu'à maintenant. Et depuis le dernier jour, il y a eu seulement deux matchs, une victoire de 5-1 contre les Flames de Calgary et une défaite de 3-1 aux mains des Islanders de New York. Deux équipes qui étaient à la portée du Canadien de Montréal et qu'ils auraient dû battre allègrement. En fait, dans les quatre derniers matchs, c'était quatre équipes que le Canadien devait battre. New Jersey, Buffalo, Calgary, New York Islanders, et là-dessus seulement deux victoires en temps réglementaire et une défaite et une en prolongation. Donc, un petit peu en deçà de ce qu'on devrait s'attendre de l'équipe de la qualité du Canadien de Montréal. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va surtout parler du match des étoiles, des compétitions de skills. Et je veux savoir, Jerry, comment t'as trouvé ça, toi, ta fin de semaine des étoiles? J'ai bien dormi, pour vrai. Non, pour vrai, on va se le dire tout de suite, je me suis endormi assez rapidement. Je trouve pas que ça avait de l'air... Il y avait rien dans le vent. C'était moyen. Tout était... Comment je pourrais dire? La formule est tellement vieille. La formule manque de nouveauté. Ouais. Que ça se ressent à un moment donné. Je me suis endormi dans les deux. Même au match, j'ai commencé à écouter, puis à un moment donné, j'étais comme. Ça a juste coupé. Il n'y avait plus rien qui suivait. Là. Le show fermé, merci, bonsoir. C'est... Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je cours pas après ces événements-là. C'est le fun quand on se voit en gang, puis tout, mais en même temps, j'étais juste comme. Je sais pas, j'étais fatigué, ça aide peut-être pas, là, mais c'est pas une game du Canadien, c'est pas une game enlevante Edmonton contre, mettons, les Caps ou autre chose en même, là, avec des jeunes qui performent, je sais pas, c'était plat. Ouais, non, j'avoue que Écoute, c'était pas... c'était pas le plus trippant. Moi, je suis allé pour la compétition des habiletés. Je sais pas, ouais, c'est ça, habiletés, skills en français. Je suis allé chez notre chum Sylvain, qui est déjà venu sur le show et dont on fait allègrement mention sur l'émission. Puis c'était censé être un party. J'arrive chez eux, puis il y avait juste moi qui finalement est allé. Moi qui s'est tapé 2 heures de route pour me rendre. Fait que, damn you, gang de losers sont pas venus. Tant pis pour vous autres. Fait que, tu sais, on a comme plus jasé de la situation dans la Ligue nationale, des étoiles, puis, tu sais, du Canadien de Montréal qu'on a regardé en tant que tel la compétition. Il y a quelques épreuves qui ont été le fun, entre autres, tu sais, Mike Smith qui réussit un but dans le petit trou de l'autre bout de la patinoire. On avait eu un genre, un plywood en avant du but, ça c'était spectaculaire. Carey Price qui fait aussi un but, mais lui, pas de plywood, fait que c'est moins ça accroche, mais bon. Après ça, le frappé le plus rapide, c'était ordinaire. Parce que, ben, c'est Weber qui a gagné, mais à 102 000 à l'heure. C'était rien de fameux. Aussi, de la façon que c'était présenté, moi, j'aime pas quand ils présentent cette épreuve-là, puis qu'ils coupent la caméra à moitié de la distance. Tu sais, tu vois le gars qui frappe, après ça, tu switches d'angle de caméra. Montre-moi au complet, tu sais, tout le mouvement. Non, ça coupait tout le temps. Même affaire pour les tirs de barrage, les échappés contre les gardiens de but. Là on va se le dire une bonne fois pour toutes, là. Un caméraman qui suit le gars qui est en échappé avec sa caméra, ça ne donne jamais des bonnes images parce que le gars cache la rondelle. Mais nous, une caméra au-dessus du gardien de but, là, au-dessus de son épaule, pour voir la fin, voir qu'est-ce qui se fait, puis le mouvement du gardien de but, ça, c'est le fun. On voyait rien. Fait qu'arrêtez ça, ça fait 2 ans qu'ils font ça, faut plus faire ça. Même si vous avez moyen, là, ça fait le gars avec les patins qui tient la caméra, on n'aime pas ça. Pour ce qui est des matchs le lendemain, c'était sans saveur, hein? Ben, c'était. Honnêtement, les joueurs avaient l'air de s'en foutre, là. Mais à un point tellement élevé, là, que c'était plate. Ah, ça en était triste! En plus, c'est du 3 contre 3, là. Il est censé avoir des jeux, il est censé. Mais il y a tellement pas de but au match que c'est juste des gars qui se retrouvent dans une place. Pour jouer au hockey de façon très relaxe. Ouais. Fait que c'est. Ça enlève tout le sens du spectacle, selon moi. Là. Ben, tu sais, il y en a, puis ça remplit les arénas. C'est pas drôle, l'affaire la plus tripante de la fin de semaine des Étoiles, c'était finalement le dévoilement du top 100 des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale par un comité d'experts. Puis là, on fera pas la liste, là, mais il y a comme le quart des joueurs qui ont évolué avec le Canadien, soit qui sont québécois. T'as des oubliés, t'as des joueurs que tu fais comme ouais, comment ça? Il y a juste un trio de joueurs que moi je me pose des questions, là. C'est à savoir Patrick Kane, Jonathan Toews et Duncan Keith. Font-ils réellement partie des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale? Honnêtement, tu sais, Jonathan Toews, je l'aime beaucoup, mais il fait pas tant de points. Il est bon, il a beaucoup de prestige déjà à son jeune âge. Mais tu sais, si tu me dis, hein, tu prends-tu Joe Thornton, qui est pas dans la liste, avec des saisons de genre 100, quelques points, 90 passes, pis tout. Moi, je m'excuse, mais tu finis une saison avec 90 passes, t'es solide. Ben oui. Pis qu'il soit pas, justement, dans... cette liste, je trouve ça un peu... je sais pas, il me semble que ça n'a pas sa place. Tu sais, je veux dire, refais ta liste de 100 meilleurs joueurs dans une couple d'années, puis là, tu vas pouvoir mettre Jonathan Toews, il n'y a pas de trouble avec ça. Même Bob Gainey, qui était dans la liste, ouais, je m'excuse. Non. Il y a clairement d'autres joueurs avant lui qui sont meilleurs. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas d'influence, qu'il n'a pas été un grand capitaine, mais c'est pas dans le top 100 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Hein. Je veux dire, ils en ont échappé une coupe, mais en même temps, c'est qui a fait ça, la liste? On ferait nos listes à nous autres, probablement que j'aurais des joueurs dans ma liste que toi t'as pas, puis que toi t'en aurais que moi j'ai pas aussi. T'sais. Ouais. Mais tu sais, le comité a de l'expérience, il a du vécu, des anciens joueurs, des anciens propriétaires, des anciens entraîneurs. Puis tu sais, c'est correct, là. Grosso modo, il y a rien qui me dérange tant que ça. C'est, le trio des Blackhawks, c'est plus le fait que, ben, un, ils ont pas fini leur carrière, puis... même du temps de leur carrière, ils ont jamais été des top dominants. Tu sais, Crosby, Ovechkin, ça, c'est un no-brainer. Tu sais, c'est sûr qu'ils sont là-dedans. Mais Duncan Keith, je compare avec la carrière que Zdeno Chara a eue, puis je me dis, ben, Chara est en avant. Même Drew Doughty est en avant. Un gars comme, ben, Shea Weber, qu'on a dans notre cours, mériterait-il d'être en avant de Duncan Keith? Tu sais, je pose la question, puis il y a probablement des fans des Blackhawks qui vont dire, ben non, c'est sûr qu'il y a sa place là. Je trouve que c'est, tu sais, de mettre le succès collectif, les trois coupes dans un air pas facile où gagner des coupes Stanley à l'ère du plafond salarial, de donner vraiment beaucoup d'importance à ça, puis de faire en sorte que, ben, tu sais, un gros marché de hockey est des vedettes tout d'un coup. T'sais, ça vient asseoir la position de ces joueurs-là dans la hiérarchie de la Ligue nationale. Mais je suis pas sûr. Je trouve qu'il y a quand même un côté marketing dans cette liste-là. Il y en a plusieurs que c'est des no-brainers, là, mais il y en a d'autres que tu dis ouais, c'est questionnable. Ben, tu sais, j'aime beaucoup la comparaison que tu viens de faire avec Shea Weber et Duncan Keith parce que. Comme que j'ai toujours dit, Shea Weber, c'est le prototype parfait du défenseur, toute époque confondue. Il a le size, il a le shot, il est fiable, il est bon pas mal partout dans sa glace. Duncan Keith, tu sais, j'adore Duncan Keith, il fait fascinant partie de mon top 5, mais même s'il n'y a pas de coupe cette année, je dois dire que, mettons, un Brent Burns est meilleur qu'un Duncan Keith. Ouais, Brent Burns cette année, je pense pas sur la longueur de la run. C'est pour ça que j'ai comparé avec un Chara qui est pas là, avec un Weber. Tu sais, ouais. Que ça fait quand même plusieurs années là, qui sont au sommet de la ligue. C'est, tu sais, Duncan Keith, pour moi, a été un top 5 durant toute sa carrière. Peut-être pas ses années recrues, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Un top 5 des défenseurs à son époque, mais a pas été le numéro 1 sans contredit. Puis pour être dans le top 100 de l'histoire de la Ligue nationale, il me semble que faut que ça soit un no-brainer. T'sais. Tu peux pas questionner la position d'une personne par rapport à même d'autres gars de sa propre époque. Tu peux questionner entre les époques, mais pas dans une même époque, là, me semble, en tout cas. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Là. C'est... En tout cas, ben ça, en même temps, comme c'est tellement que. On peut tellement argumenter sur chaque choix, puis ah, moi j'aurais pris lui avant lui. Mais non, je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a des grands oubliés, comme qu'il y a des joueurs qui sont questionnables dans la liste. Mais bon, c'est pas notre liste à nous. Fait qu'en partant, c'est sûr que ça, c'est une liste qui va apporter des débats pendant très longtemps. Là. Ouais, exemple, tu sais, Grenfjord, dans les buts, c'est pas un grand gardien, tu sais, il était capable. Oui, il a gagné 5 coupes, mais check le club qu'il avait. Il avait juste c'est à ça. Maintenir l'avance de son équipe. Tu sais, il gagnait le match 7-6, tu sais. Mais il gagnait pareil, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y a des questions comme ça, mais, tu sais, grosso modo. Puis en même temps, on comprend l'aspect marketing de la patente puis de vouloir souligner certains grands espoirs qu'il y a eu à travers la ligue, là. Mais tu sais, tout ça pour dire que ça reste le bout le plus mémorable de la fin de semaine. C'est pas normal, là. Bon, ce qui était le fun, c'est qu'on a pu voir Stastny avec un chandail des Nordiques. Fait qu'il y a une coupe de monde qui doit avoir capoté. Oui. Chandail des Nordiques sur une glace de la Ligue nationale. C'est un bout, hein? Pas vu ça. Ça un petit bout. Sinon, ben, dans ma fin de semaine, là, tu sais, je potais un peu, là. Piqué Subban, qui, lui, se promène avec des boutons de manchette de ses deux équipes, le CH et les Prédateurs de Nashville. T'en penses quoi, toi, de ça? Moi, je me dis que si Shea Weber porterait une épingle des Prédateurs de Nashville, on crierait au meurtre. Ah, ça capoterait, hein? À un point, là. Fait que c'est un peu... Tu sais, si tu tournes la question comme ça, à Nashville, est-ce que ça capote sur Subban? Probablement peut-être un peu moins. C'est sûr qu'il est reconnaissant, puis encore un point d'attache à Montréal. Fait que, mais en même temps... Il n'y a aucun point d'attache aux Canadiens, donc je trouve pas que c'est un manque de respect. Il y en a qui capotent vraiment à un point trop élevé. Là. Mais j'avais lu un commentaire, puis je me souviens pas, je pensais que c'était peut-être même Sylvain Rioux justement qui avait... Non, Sylvain ne fait jamais des commentaires qu'on dit. Jamais. Non, il avait marqué quelque chose comme quoi que dans 6 ans, mec, son contrat soit fini, qu'il reviendra à Montréal, parce que tu vois clairement que c'est pas fini dans sa tête le lien qu'il y a avec le Canadien de Montréal. Je dirais pas non. Mais il rajoutait aussi que s'il fallait que Bergevin et Terrier ne soient plus là. Ouais, c'est sûr, ça va avec. Hein. Je pense que... Non, c'est ça, c'est un gars que... Tu sais, moi, je vais toujours me rappeler de son repêchage. Un gars de deuxième ronde, tu dis, ben voyons, tu sais, on nous présente son entrevue après draft, puis c'est pas supposé te souvenir là, du repêchage d'un gars de deuxième ronde, en principe. Puis lui, il avait dit, je vais gagner la Coupe cette année, je vais tout faire pour gagner la Coupe cette année, et la ramener à Montréal. Puis gars, il n'aura pas réussi à tenir cette promesse-là qu'il a faite aux partisans de la ville de Montréal. Puis on peut questionner l'impact de son caractère dans la chambre, la personnalité, peut-être ses erreurs sur la glace, ses turnovers, whatever. T'sais. Mais ce qu'on peut pas questionner, c'est l'amour que ce gars-là avait pour le club. S'il y en avait un dans la chambre qui avait le CH de tatoué sur le cœur, c'est bel et bien lui. On pourra jamais remettre en question l'implication que ce gars-là avait envers son club. Son style, son... Sa façon d'être ne cadrait probablement juste pas assez avec l'équipe pour que l'équipe lui permette d'atteindre cet objectif-là. Mais je suis convaincu que lui aurait tout fait en ses moyens pour y arriver. C'est extrêmement malheureux pour l'être humain de ne pas pouvoir réaliser son rêve. Ah, c'est sûr. Mais si tu peux le réaliser avec les prédateurs... Il va la rapporter pareil à Montréal, la Coupe l'Afrique. Sûrement. Sûrement. Quoique, c'est juste 24 heures. Fait qu'irait-il dans le coin de Toronto dans sa famille ou s'il l'amènera à Montréal ou il ferait un voyage express les deux places, t'sais? C'est clair que ça s'en va à l'hôpital des enfants. Là. Sûrement. Le Children's Hospital, c'est clair que ça va là. C'est sûr, sûr, sûr. Ouais. Autre truc, durant la fin de semaine, il y a le coach, Michel Therrien, qui a parlé un petit peu en entrevue que il a mentionné que pour lui, il croyait que les Maple Leafs de Toronto, c'était l'équipe du futur de la Ligue. OK. Ouais. Ben. Tu trouves ça comment, toi, que le coach d'une équipe rivale en sens à ce point une autre formation? Ben, en même temps, il voit juste. Là. On s'entend que les Oilers puis Toronto, c'est pas mal les équipes de l'avenir dans la Ligue nationale. C'est le fun de ces deux équipes canadiennes. Mais, tu sais, on s'entend. Regarde Toronto, là, en ce moment. Avec les Matthews, Nylander, Mitch Marner, Babcock qui a l'air des envoyés dans la bonne direction. Puis tu sais, la question revient souvent, quelle équipe va gagner la Coupe Stanley avant Montréal puis Toronto? C'est clairement Toronto. Fait que je pense que le gars est juste lucide. Oui, ça fait peut-être pas l'affaire des partisans du Canadien. Avec raison, dans le sens, c'est le coach du Canadien puis en sens, c'est l'équipe rivale. Mais tu sais, je veux dire... Ce genre de commentaire qui hors d'onde pourrait clairement faire. Tu sais, je veux dire, on s'entend que il dira jamais non. Exemple qu'il deviendrait coach, Babcock et puis là, puis qu'il devient coach, puis qu'il se fait appeler pour coacher les Maple Leafs. Il dira jamais non, puis il va triper d'avoir des jeunes. il pourra pas faire jouer personne sur le club, il n'y aura pas de vétérans. Ouais, non, c'est ça, mais dans le sens que c'est toutes des futures vedettes là, dans cette équipe-là, puis. Non, regarde, moi j'ai rien contre ça, absolument rien, mais rendu là, c'est lui, là, je veux dire. Non, moi non plus, puis en fait, c'est surtout que c'est Harrison Kingsley qui, sur le dans les coulisses, dans un article, mentionnait ce commentaire-là de la part de Therrien. Puis je vous lis un petit bout de son texte. Kingsley écrit « Il y a quelques années, les Maple Leafs ont arrêté de prendre des raccourcis comme embaucher des joueurs autonomes au bout du rouleau et échanger des jeunes et de bons choix au repêchage pour patcher. Ils ont accepté de souffrir durant quelques années pour mettre la main sur de bons espoirs tout en liquidant des vétérans qui ne faisaient pas partie de l'avenir de l'équipe. » 3 ans après avoir décidé d'emprunter cette voie, voilà que l'équipe est en avance sur l'échiquier et constitue déjà une formation qui aspire aux séries éliminatoires. Et moi, le parallèle que je vois là-dedans, je pense que, tu sais, il saute au visage. N'est-ce pas là exactement la description du Canadien de Montréal? Une équipe qui utilise à chaque année, ou presque à chaque année, un raccourci d'échanger des jeunes pour aller chercher un vétéran, pour espérer se rendre en série et faire un bout. Je trouve que le parallèle est assez intense, merci. Et à un moment donné, il parle des Flames de Calgary. Puis je trouve qu'encore là, ils mettent le doigt sur la sur quelque chose, qui ont eux aussi fait un genre de reconstruction. Et l'an passé, étonnamment, se sont rendus en série. Et là, ben le directeur général à ce moment-là pensait que son équipe était rendue et a liquidé des choix. Mais finalement, l'équipe n'était pas rendue. C'était juste un mirage. Il aurait fallu utiliser ces choix-là pour continuer à bâtir la banque de talent de la formation. Parce que là, aujourd'hui, oui, ils se ramassent avec quelques bons jeunes, mais jamais assez pour être en mesure de devenir une équipe aspirante à la Coupe cette année. Il va toujours y avoir deux ou trois trous dans l'alignement qui vont faire en sorte que cette équipe-là va être bonne, mais pas tant que ça. Et encore une fois, le parallèle avec le Canadien de Montréal est inévitable. On s'en jase, toi et moi, épisode après épisode. Est-ce que le Canadien de Montréal est vraiment une équipe aspirante? Est-ce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut ou y a-t-il encore des trous? Ben, dans cet alignement-là du Canadien de Montréal, moi, ben, premièrement, je me dis il manque un centre numéro 2, ce qui est un pas pire trou, tu sais. Ensuite, ben, si c'est pas cette année, c'est peut-être l'autre d'après, mais ça va prendre quelqu'un pour remplacer Markov. Et c'est pas demain la veille qu'on a ce joueur-là. Sergachev, peut-être. Jolson, penserait pas. Puis après ça, c'est pas mal vide. Il manque des éléments au Canadien de Montréal. Il manque certains petits trous ou pas pire gros trous à combler. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va échanger un prospect trop tôt pour un vétéran. On va refaire une gaffe à la Gomez-McDonough. On va faire une gaffe à la Forsberg pour... comment est-ce qu'il s'appelait le gars? Errat? Ouais. Qu'on a déjà oublié son nom? Est-ce que le Canadien doit faire un shortcut pour la Coupe Stanley? Est-ce qu'on a vraiment ce qu'il faut pour se rendre jusque-là? Ou encore, c'est un mirage? Je pose la question. Mais c'est parce que ça dépend. T'sais, la question de shortcut... Moi, personnellement, je trouve que le Canadien est quand même une bonne équipe. C'est juste que la game est tellement différente en série là, que c'est justement la bonne équipe du Canadien en saison est pas tant bonne en série. Il manque, je sais pas, il manque de grit là. Il manque quelque chose qui fait que ça va pousser les joueurs jusqu'à la fin là, vraiment se rendre au bout. Parce que moi honnêtement, je veux dire, on s'entend que tout le monde vise la Coupe Stanley, je veux dire, c'est clairement ça l'objectif toujours. Puis moi, en tant que fan, j'aimerais voir le Canadien gagner la Coupe Stanley. Mais tu sais, avec l'équipe d'aujourd'hui, le Canadien se rendre en finale de la Coupe Stanley, ça serait un exploit. Personnellement, là, c'est ce que je pense. Le Canadien va faire les séries. Ils sont tout le temps capables de rentrer en série. L'année passée, c'était une erreur de parcours, mais avec pas de Price, c'était quasiment évident. Mais non, une bonne équipe de saison, mais en série, c'est tellement autre chose. Tu sais, on dit... Si le Canadien perd Price, le Canadien n'est plus la même équipe. Tu sais, oui, là, Carey Price en arrache peut-être un petit peu plus dernièrement, mais ça reste quand même que c'est Carey Price. Ce gars-là n'est pas là dans l'année complète, on l'a vu l'année passée. On l'a vu l'autre d'avant quand il s'est blessé en série. Tokarski, même s'est fait des mini-miracles, là, ça n'a pas donné ce que ça donnait. Avec un Carey Price en santé, le Canadien s'en est clairement en finale de la Coupe Stanley. Là. Fait que. C'est des petites affaires de même qui, des fois, te font pencher un petit peu plus dans la balance. Je pense... La réponse, c'est il manque beaucoup d'affaires à Montréal pour être un club d'élite, comme qu'on peut les appeler. Mais c'est un bon club. Mais oui, effectivement, si, en tout cas, moi, si ça marche pas cette année, je liquiderais des vétérans, moi, pour aller chercher du stock plus jeune, laisser la place à des joueurs présentement à Montréal... qui ferait une solide job. Tu sais, enlève Plekanec pour aller chercher des choix de ronde ou des prospects qui peuvent être prometteurs, peu importe qui qu'on a. Tu sais, je veux dire, il y a Dano qui peut faire quand même la job sur un deuxième trio là, pour finir l'année. Là. C'est pas un deuxième trio, mais il va faire la job pareil. T'as un mec Caron qui joue en bas, qui selon moi peut rendre de fiers services à Montréal jusqu'à la fin de l'année. Tu sais, il y a moyen de se débarrasser du stock pour aller chercher, pour se renflouer justement en prospect tout en restant compétitif jusqu'à la fin de l'année. Hein. Tu sais, comme, je dis pas que Calgary vont prendre Plekanec, ça m'étonnerait bien gros, mais il y a des joueurs à Calgary que moi j'aime vraiment beaucoup. Sam Bennett, qui personnellement je trouve que c'est un bon petit fit à Montréal. Backlund, ça j'en ai entendu parler, j'y crois pas pantoute, là, il est beaucoup trop performant, je pense, pour se faire échanger. Ben, beaucoup trop performant, on s'entend. Je veux dire, pour jouer à Calgary, il y a quand même une bonne saison. Fait que, je sais pas, j'irais me chercher des jeunes, mais sans. J'échangerais pas de jeunes, en fait, c'est pas mal ça la question, si on veut. Je liquiderais mes vétérans, comme le suggérait l'article que tu viens de nous lire, là. Ben, c'est de faire un peu la contre-méthode habituelle. La Ligue nationale. Tu sais, il y a des formations qui sont toujours sur le bord. Exemple, les Canucks de Vancouver. Ça fait des années qu'ils sont sur le bord. Playoff, pas playoff, playoff, pas playoff, playoff, pas playoff, pas playoff, playoff. Tu sais, c'est tout le temps de même, tu sais. Mais il y avait toujours, ben, tu sais, les deux sit-in. Il y avait toujours un défenseur ici et là. Il y avait, tu sais, toujours un gardien de but à la Luongo qui est dans la moyenne forte. Là, il y avait toujours juste assez pour flirter avec le succès. Je pense que c'est un peu ça. Pas, c'est comme aller au bar. Tu sais, t'as toujours la belle fille, tu sais. Puis t'as le gars qui va viser la belle fille, puis qui va se planter, le repas. Puis t'as l'autre qui va jouer safe, qui va checker sa petite amie toutoune à côté. Mais qui va finir la soirée de la petite toutoune. Tu sais. Un amorti. Tu te rends ses buts, mais tu fais pas de points. C'est un peu ça le mirage de ces équipes-là au succès mitigé, mettons. Là, t'arrives aujourd'hui, tu regardes la formation des Canucks de Vancouver, puis tu te dis, qu'est-ce qu'on a à échanger pour de l'avenir? Mettons qu'on veut regarder là, pour l'avenir. T'as les Sedin. T'as les Sedin. C'est ça. C'est pas mal tout ce que t'as. T'as Louis Erickson. Il est-tu bon cette année? Parce que l'an passé, c'était pas viable. Ouais, puis avec le contrat qu'il y a, pas sûr qu'il est bien échangeable. Écoute, à 6 millions, il y a 21 points. On jase. Ouais. Bon, on jasera pas beaucoup parce qu'on a 21 points à 6 millions. Surtout qu'il est fragile. Il est considéré comme être fragile. Il avait 63 points l'an passé. Il est à 21 en 50 matchs cette année. Va pas bien. Petite débarque. Je prendrais Plekanec avant. Ben oui. Ben oui. Puis c'est, t'as tout à fait raison. Au moins, Plekanec remplit des fonctions défensives. Oui, Erickson, s'il n'est pas attaquant offensif, il fait pas grand-chose dans un club. Là. Mais de toute façon, qui va le ramasser à 6 millions jusqu'en 2021-2022? Personne, tu sais. Des belles petites erreurs, ça, hein? Les Sedin, faut que t'aies trade en package. Ouais, c'est sûr que ça vient en package deal. C'est 14 millions de tamas pour deux gars de 36 ans. Mais ils sont quand même encore performants. Ils sont à Vancouver là, en ce moment. Il n'y a pas grand chose qui se passe là-bas. Mais aller dans un club aspirant. Tu sais, mettons, au trade deadline. Il y en aurait un qui veut se rendre plus loin. Là. C'est sûr qu'ils ne sont pas tant reconnus pour performance série, là, mais ça reste quand même que tu as deux joueurs élites. Oui, ils ont 36 ans, sont moins intenses que dans le temps, mais tu sais tout de suite que ces deux joueurs-là vont se trouver. Il faut juste que tu trouves un partenaire idéal pour compléter le trio. Puis tu as un méchant bon trio avec ça. Pour une équipe, comme je dis, qui veut vraiment aspirer à aller plus loin. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est 14 millions pour. Écoute, Henrik a 32 points, puis Daniel en a 27. C'est 14 millions pour 59 points en deux gars, là. Ouais, j'avoue, tu peux sûrement aller chercher un joueur qui fait la même chose tout seul. je veux pas y planter, là, mais tu sais, à un moment donné, fait que, tu te ramasses à vouloir peut-être me reconstruire si jamais il accepte de passer par cette case-là, puis t'as rien pour tes éléments. Mais, petite question rapide, tu penses-tu que les Sedin accepteraient d'être échangés séparément? Je pense qu'ils quitteraient la Ligue nationale avant d'être échangés séparément. Ça se peut. Mais écoute, si Datsuk peut partir, qu'est-ce qui retient Sedin? Ouais, c'est sûr. Je sais pas c'est quoi ton pouvoir de négociation là-dedans. Quand tu fais une transaction pis t'as 14 millions sur deux gars de 36 ans. 59 points, je vous le rappelle. Ils vont être pognés avec, là. Ah, ils vont finir à Vancouver, là, vraiment. Sûrement. Pis, tu sais, c'est pas comme si dans les prospects, il y avait des, ben, de la grosse matière, là. T'as Jordan Subban. T'as Yulevi, le jeune défenseur, que lui est très très prometteur, mais il est pas mal tout seul, tu sais. Après ça, t'as Virtanen. T'as Bo Horvat. Ah ouais, Bo Horvat. Hey, beau. Il était All-Star, doit être bon. Ben oui. C'est parce que c'était le moins pire de la gang, tu penses? Peut-être. Peut-être, hein? Peut-être 32.50 matchs, tu sais, au moins lui, c'est un jeune, hein? Ouais, c'est ça. En tout cas, anyway, on fera pas un show sur les Canucks de Vancouver, mais tout ça pour dire que ce principe s'applique aussi aux Canadiens de Montréal qui refusent de passer par la case reconstruction et qui, inévitablement, va faire miroiter un potentiel succès pour attirer les gens dans Baptiste. Au lieu de faire la vraie job sale puis d'avoir éventuellement du succès. Hey, tu te rends compte que d'ici peu, les amateurs des Maple Leafs de Toronto vont pouvoir rire du Canadien de Montréal parce que ça va faire moins longtemps aux Leafs qui ont gagné une coupe que le Canadien. C'est fou pareil, là. Ouais. Ça fait mal. Mais moi, qui aime quand même un peu les Toronto, je suis quand même content. Ils vont enfin avoir un bon club. On a demandé des passes à la palette de nos auditeurs avant le show. Puis, mon projet de sujet, c'est en lien avec l'une des questions. Il y a Jean-Michel Brière qui nous demandait ce qu'on pensait de Nesterov. Il souligne que, semble-t-il qu'on entend des rumeurs à propos de son sa mauvaise éthique de taraille. De taraille, oui. La taraille, ça, là, quand t'en as pas là, dans ton éthique, ça va bien, bien mal. mauvaise éthique de travail et ça, semble-t-il, enragerait ses couilles. Ben, tu l'as dit, c'est des rumeurs. Oui, en partant. En partant, on peut pas vraiment s'y à ça. Je l'ai pas beaucoup vu jouer personnellement, mais je n'ai qu'un point à dire. Nesterov ou Redmond? Pour vrai, là. Mais, OK. La vraie question, c'est pas Nesterov ou Redmond. La vraie question, c'est why the fuck Bergevin a donné un one-way à Redmond? Oui, effectivement, mais on n'aura jamais de réponse à cette question. C'est un mystère de la saison 3 de la POC. Exactement. Pourquoi un one-way à Zach fucking Redmond, 28 ans, à peine accroché à la Ligue nationale toute sa carrière? Pourquoi? C'était quoi le pouvoir de négociation que Zach Redmond avait? D'accord avec toi. Je viens ici ou non? Ouais, t'as-tu d'autres offres? Non, mais ça va être un one-way pareil. Ouais, non, c'est ça. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Puis c'est pas juste un one-way, là. Déjà que c'est capoté qu'il y a un one-way. C'est 2 ans! Pourquoi? Il devait triper ça, Redmond. Ah non, mais écoute, peut-être que Redmond... Écoute, je le sais pas. J'essaie de trouver des idées. Il fait peut-être de la bonne tarte aux pommes. Ça doit être ça. Il fait de la bonne crustade puis des tartes puis Bergevin il l'a signé avec son bedon plus qu'avec son évaluation de talent. Je sais pas. Ça se pourrait. Trive ses tartes aux pommes puis écoute, d'amener une, il l'a eu par les sentiments. Merci, bye. J'essaie de regarder le. Une autre façon, parce qu'il peut pas l'avoir évalué niveau talent, puis dire « Ah, lui là, c'est 2 ans. » Mais ben voyons donc. C'est quoi qui t'a fait à croire que ce gars-là était dû pour 2 ans? C'est 6 points en 37 matchs en 2015-2016 avec l'Avalanche? 37 matchs sur les 82 d'une saison? Je te ferai remarquer. C'est-tu les 20 points moins 1 en 59 matchs de l'année d'avant? Puis le fait qu'il ait vivoté avec la Ligue américaine, malgré tout? C'est-tu son passage de 3 points en 10 matchs avec les Jets de Winnipeg en 2013-2014? Moi, là... Je sais pas. D'après moi, là, Bergevin a perdu un pari. C'est, regarde, c'est ça, là. C'est obligatoire, là. C'est qui l'agent de Renan? Probablement Brisson. Ouais, peut-être. Non, mais pour vrai, je sais pas, mais pour vrai, Nesterov, moi, je pense que ça va être quand même bien. En plus, il a l'air, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il a l'air vraiment content de venir à Montréal. En partant, ça, c'est nice. Je sais pas, il est jeune, fait que ça permet d'avoir le potentiel. Je sais qu'il y avait comme un chou. De ce qu'on entend dire, c'est que Tampa Bay l'ont échangé parce que, bon, eux autres s'en viennent. Ils vont avoir un problème de plafond salarial très, très bientôt. Il va y avoir beaucoup de choses à signer. Je sais que ça parlait de deux. Il y avait comme deux défenseurs jeunes, Witowski puis Nesterov, qui allaient devoir re-signer bientôt. Bon, Eiserman a clairement fait son choix avec Witowski, fait qu'il a laissé aller Nesterov. Moi, pour vrai. Mais faut dire qu'il y avait des rumeurs aussi de que Nesterov était pour partir dans KHL l'an prochain. Fait que tant qu'elle perd pour rien, tu sais. Ouais, Jonathan sûr. Racine, puis un sixième, puis plus le gars, tu sais, jusqu'à la fin de la saison. Parce que, anyway, la saison du Lightning est finie. On va se le dire, là, ils font pas les playoffs, puis, tu sais, aussi bien capitaliser. Capitaliser. Ouais, en tout cas, les deux termes sont super bons dans ce cas-là. Fait que, non, c'est ça, aller chercher le. Toute bouteille de Gatorade, là, en retour de Nesterov, là. Puis là, on peut-tu dire à l'Internet du Québec que c'est pas parce qu'un gars débarque à Montréal que c'est le nouveau Brian Leetch, là? Non, OK? Non! Le gars vivotait Ligue nationale, Ligue américaine. C'est Marc-André Bergeron moins fiable, OK? Calmez-vous! Pour le gars qui invente, hein? Pour le potentiel que le jeune a, ça va à peine. Mais oui, mais je dis pas le contraire. À un moment donné, là, calmez-vous sur l'évaluation fantaisiste, là. Non, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est Montréal. Hein. Tu t'attends à quoi? Il a pas inventé le snapshot, OK? C'est pas lui qui a inventé ça. Non, c'est moi! Calmez-vous! Bon, mais faut vrai, capoter. Répondre brièvement à vous pensez quoi de Nesterov? Bon trade, je suis confiant, j'aime bien. Puis s'il joue bien, ça va peut-être pousser Beaulieu à jouer encore mieux. Parce qu'on va se dire que dans pas long, ça va être ça. Nesterov ou Beaulieu. Non, pour vrai, ça coûte pas cher. Puis comme tu as dit, Jonathan Racine, que probablement personne savait que Montréal avait. Puis un choix de 6e round. Je veux dire, en partant, c'est pas mauvais. Là. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, tu dis bientôt, là, ça va être Nesterov ou Beaulieu. Peut-être, là, tu sais, dans les protections de joueurs, on va faire notre draft d'expansion tantôt. Là. j'ai brûlé un punch. secret! mais je pense à ça, là. Greg Patrin n'est plus blessé, là. Il est pire à jouer. Comment ça qu'on le fait pas jouer? Qu'est-ce qui se passe extérieur encore? Ben moi, je pense que Nesterov va passer avant Patrin. Ben plate. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Encore là, Nesterov va pas jouer. Il va jouer sa première game demain. Fait on va pouvoir l'évaluer là, un petit peu plus. C'est sûr, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Là. Mais j'ai juste hâte de voir à quel point il va s'impliquer dans le jeu. Il va-tu se faire trimballer lui avec? Je sais pas. Moi personnellement, Nesterov, je le vois comme un projet. Là. Fait ben, un projet jusqu'au mois de juillet, là. Ouais, c'est sûr, mais il va signer à Montréal pareil pour le petit prix. Ben non. Probablement un one-way à 3 millions par année. Un petit contrat, là. Non, mais c'est ça. Non, je pense que ça quand même bien. Je veux dire, tu sais, je dis, oui, Redmond, c'est clair que c'est Nesterov qui est meilleur. En même temps, Barberio, lui tout, il zigzagante les deux. Bien oui. Il était correct. Il est moins bon que l'année passée. Fait que, tu sais. T'aimes-tu avoir un Nesterov qui. Là, lui, c'est une nouvelle chance qu'il a. Je sais pas. Ça. Non, on s'entend-tu. On s'entend-tu là, que. Tu sais, tu peux rentrer Nesterov, pas de problème dans l'alignement, mais. Tu mets Weber, Patry, Emeline, Beaulieu, Patrin et Nesterov, là. Tasse Barberio, là. Pourquoi, ah, ben ouais, pourquoi tu remets pas Patrin dans l'alignement, Michel? J'aimerais ça comprendre. Et t'as pas assez prouvé qu'il était au-dessus des trois autres, là? Non? Ben, moi, Barberio, aussitôt que Markov est plus blessé, Barberio, ça, c'est fini, ça s'en va en bas. Là. je pense. Tu comprends pas. En tout cas. Repêchage d'expansion. Sur le site capfriendly.com, vous pouvez vous-même, à la maison, faire un repêchage d'expansion. Et on va faire ça ensemble sur la POC. Parce que nous sommes à la mi-saison, un petit peu plus dépassé. Le Canadien est quand même en simili bonne posture pour les playoffs. Et que ben c'était le match des étoiles. On faisait un show, deux shows en une semaine. Fait que on s'est dit, on va garder ce sujet-là pour on va le faire quand on va en manquer d'autres. Fait que voilà, c'est là que ça se passe. Et donc, la façon de procéder pour le repêchage d'expansion, je vous rappelle. Les équipes peuvent protéger soit 7 attaquants, 3 défenseurs, un gardien de but ou 8 patineurs, toutes positions confondues, et un gardien de but. Ce qui veut dire qu'il y a une méthode qui te permet de conserver 11 joueurs et l'autre d'en conserver 9. Ça démontre que les défenseurs ont une très très grosse valeur dans la Ligue nationale vu leur petit nombre. Le Canadien de Montréal, pour mettre la table, parce qu'après ça, on va pouvoir jaser, n'a pas le choix de protéger Carey Price, da, on l'aurait fait pareil, et Jeff Petrie. Voilà. Suite de la discussion, toi, tu protèges Suplekanec? No! En fait, pour vrai, si Vegas prend Plekanec, c'est mon deuxième club favori. juste parce qu'ils nous ont débarrassé de Plekanec. Puis, j'en veux pas nécessairement aux joueurs, mais pour un troisième trio, comme qu'on n'arrête pas de le répéter, à 7 millions par année, je m'excuse, c'est inacceptable. Donc, c'est ça. Donc, pas de petite coche à Plekanec. Première question, tu sais, vraie question là, sur l'exercice. Toi, c'est quelle méthode tu vas utiliser? Moi, j'ai été avec 7 attaquants 3 def. OK. Parce que justement, comme tu dis, ça permet d'en protéger un petit peu plus. Puis je trouve que tu peux peut-être un petit peu plus s'équilibrer ton équipe aussi en faisant ça. OK. Mais ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Ouais. Dans les joueurs qu'on protège, là, la question, c'est Radulov, il compte-tu? Parce que là, il devient UFA. Est-ce qu'on le signe avant pour on est obligé de le protéger ou on prend le risque de ne pas le signer avant le 1er juillet? D'attendre qu'il atteigne l'autonomie complète, qu'on lui ait dit « Hey, je dis les pauvres autres, là, mais tu vas signer avec les autres. Anyway, mais on attend pour le confirmer, mais qu'il y ait du maraudage puis qu'on risque de le perdre ou on prend pas de chance pour le protège. » Ben, en fait, moi, je l'avais mis dans mes joueurs protégés, mais j'ai mis une coche à côté en prenant en compte... Si je le protège, c'est en prenant en considération qu'il est signé avant la fin de la saison. Mais... Moi, j'ai le feeling qu'ils ne signeront pas, mais qu'ils vont faire comme tu viens de dire. Mais en même temps, ils ont une chance de le perdre s'il y a une offre encore plus alléchante ailleurs. Mais j'ai le feeling que c'est ce qui va se passer. Encore là, s'il est signé, c'est clair qu'on le protège. Je veux dire, on est quasiment obligé. Mais ouais, je le protège s'il est signé, sinon ben, on le signe à la fin de l'année. Ouais. Je le veux à Montréal. Ouais, non, je sais, mais tu sais, moi, j'ai le goût de ne pas y mettre de coche pour pouvoir... Ouais, protéger d'autres mondes, tu sais. Ah, ça, c'est sûr. En même temps... C'est un jeu dangereux, là. Mais c'est comment? Qui c'est que tu protégerais d'autres à ben, part lui? OK, moi, j'y allais avec la méthode du 8. OK, le 8 forward, un gardien de but. Dans mes attaquants, Pacioretty, Gallagher, Galchenyuk et Dano. D'où le fait que je te dis, ben, tu sais, Radulov, je le protégerai pas, là. Ensuite, j'y allais avec 4 défenseurs. Weber, Petrie, t'as pas le choix. Emeline et Patrin. Donc, je protège pas Markov parce que lui aussi, il devient UFA. Et donc, vu en plus l'amour qu'il y a envers le club puis le long terme, lui, je pense qu'il accepterait de jouer le jeu avec le Canadien de Montréal pour faire ce genre d'entourloupette-là. Mais ça prend un DG qui est allumé, qui est wise, puis qui réussit à convaincre ses gars, puis qui promet un contrat du gars. Tu vas l'avoir, il est là, il est tout écrit, reste bien qu'à le signer, mais il faut faire ça le 1er juillet, passer midi, tu sais. À midi une, t'es dans le bureau déjà, là, tu viens dans le bureau, puis on signe à ce moment-là. C'est la façon de contourner, puis ça permet que, ben, au lieu d'avoir protégé officiellement juste 8 joueurs d'avant, là, 8 patineurs, ben, en signant Radulov et Markov, autrement dit, t'en as protégé 10. Puis t'as plus de défenseurs, puis ben, en tout cas, ça permet de balancer les deux méthodes. Ah, j'avoue que c'est quand même une bonne méthode, là. Mais faut que les gars soient prêts à jouer le jeu. Markov, je pense que oui. Radulov, c'est plus compliqué. Ouais, ben tu sais, il est Montréal, mais en même temps, tu pourrais pas le savoir. Tu sais, Markov, lui, je pense que c'est plus parce qu'il est posé ici, là. Ça fait longtemps qu'il est à Montréal, il a sa vie ici. Fait que c'est vraiment plus facile aussi de juger la situation. Ouais, il va signer ici, tu sais. Il a sa nationalité canadienne, là. Il peut pas changer de club, là. Ben, il reste au pays. C'est sûr. Sinon, Donald Trump l'acceptera pas, là. Ça demeure de l'immigration, là. Ben ouais, c'est vrai. Ah, Donald Trump. Ouais. Si on avait un podcast politique, on en jaserait plus, mais on va regarder ça de même. Ouais. Sinon, toi, tes protections, ça ressemble à quoi? Ben moi, protection, Max Pacioretty, parce que bien évidemment, à 4,5 millions pour un scoreur de 30 buts en moyenne, il va être ramassé, ça. C'est sûr. C'est sûr qu'il se fait ramasser, puis c'est le capitaine du Canadien, fait que ils l'ont nommé pour le long terme. Je gardais aussi Alex Galchenyuk parce que c'est un potentiel de devenir, selon moi, un encore meilleur joueur qu'il est déjà. C'est notre premier centre. Fait que c'est l'avenir. Là. C'est un top 3 repêchage. J'avais marqué Radulov justement en prenant en considération qu'il était signé. Je peux aussi en choisir un autre, considérant que, mettons, qu'on fait la L'entourloupette de le signer à la fin de l'année. Philippe Danault, parce que c'est ton troisième centre du CH qui, selon moi, fait une Christie de bonne job cette année, puis il nous le prouve, qui est capable de dépanner sur un deuxième. Je gardais Brendan Gallagher, même s'il est brisé, j'en veux encore. c'est très drôle, ça. C'est vraiment les petites notes que j'ai prises. Même s'il est brisé, j'en veux encore. Ouais. Je veux Paul Byron aussi parce que il est pas cher puis qui remplit les attentes considérablement cette année. Je me souviens que moi plutôt on chialait vraiment beaucoup sur son contrat, que c'était beaucoup trop puis toute la patente. Mais regarde, on est obligé de dire que cette année on peut pas vraiment chialer, même si ça produit pas mal moins ces temps-ci, c'est merveilleux. Je garde aussi Andrew Shaw, même si son contrat probablement que toi tu l'aimes pas, mais j'aime son caractère, même si... Regarde, tu vois, le dernier show, on l'a planté. L'autre d'avant, on l'encensait. Donc là, moi, je l'encense un petit peu sur le show d'aujourd'hui. J'aime le gars quand même. J'aime le grit qu'il apporte aux Canadiens. Et j'aime beaucoup le caractère dans une équipe de hockey. Fait que je le garde pour ça. Moi, c'est là, par exemple, que j'ai de la misère. C'est le dernier choix. Parce que dans le fond, moi, je protégeais Radulov. Si je le protège pas, c'est parce que l'affaire, c'est que je sais même pas qui c'est que je veux protéger dans les derniers choix, tu sais. Torrey Mitchell pourrait être quelque chose de bien protégé parce que c'est un centre des quatrième trio, même si je sais qu'il y a des jeunes en bas qui peuvent prendre sa place. Mais tu sais, déjà, moi, je prends le pari, puis c'est pas que je veux m'en débarrasser, mais je prends le pari que Andrew Shaw, à 3,9 pour encore 5 ans, c'est un trop gros contrat pour qu'une autre équipe le ramasse. Ouais, faut que tu penses aussi que eux autres, avec le repêchage qu'ils font, faut quand même qu'ils atteignent un plancher salarial. Ouais, mais tant qu'à ramasser un gars pour atteindre le plancher, moi, chez le Canadien de Montréal, puis une équipe qui vise le plancher, je ramasserais Plekanec. Il te prend deux fois plus de masse, mais t'es pas pogné avec à long terme. Juste pour te conformer day one au plafond, Plekanec est plus avantageux là, dans cette perspective-là. Là. Ah, j'avoue. Mais c'est, en tout cas, c'est mon impression, tu sais. Mais t'as raison, c'est juste que moi, en même temps, je regardais la liste, puis j'étais comme, moi, Andrietto, tu le perds à la fin de l'année, tu le signes assez facilement. Un Charles Hudon, tu le perds à la fin de l'année, tu peux le signer facilement aussi, tu sais. Un Stéphane Matteau, on s'en fout pas mal. Tu regardes les joueurs de disponibles, tu sais, Daniel Carr, moi, honnêtement, il me fait pas capoter. Non, moi non plus. Je pense pas que quelqu'un va... même s'il le ramassait, là, ça serait comme une mise au balotage. Mais c'est ça, c'est pour ça que je suis ça. Puis en même temps, je sais... C'est pour ça que dans ma liste... Moi, c'est pour ça que j'ai fait un 4-4. Parce que je trouve que les défenseurs du Canadien ont plus de valeur que les attaquants du Canadien. Ah, c'est sûr. Mais moi, c'est parce qu'avec le 4-4... comme je dis, je garde Pacioretty, Galchenyuk, Dano, Gallagher, Biron. Puis ça, c'est vraiment les 5 joueurs que je voudrais en garder. Puis je me dis, tant qu'à faire ça, aussi bien aller chercher d'autres joueurs que tu peux quand même protéger, tu sais. Mm-hmm. Parce que sinon, moi, ça me donnait 5, 3, ça me donnait 8. Mais je me dis, tant qu'à faire, si j'ai 3 def, moi, essayer d'en garder plus, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'avais marqué Andrew Shaw et Tyrone Mitchell juste pour la question vétéran. Puis de toute façon, comme je suis pas sûr qu'Andrew Shaw ne sera pas prendre, même s'il est disponible. Mais oui, ils peuvent piger juste un gars. Hein. C'est... Même ouais, si tu en laisses 2 gros disponibles, admettons, là, c'est... il y en a un des deux qui va rester avec toi anyway. Là. Fait que c'est non. De voir lequel qui est le plus attrayant dans leur position eux autres. Donc, si tu dis tel joueur est vraiment attrayant, ben les autres, tu n'as pas besoin de les protéger parce que anyway, ils ne ramasseront pas. Ils vont prendre le premier. Sinon, pour ma def, chez Weber, avec grande surprise. Jeff Petrie, parce que ben on n'a pas le choix. L'autre, je mets Alexis Imlin, mais je mets un bémol sur si Beaulieu signe avant la fin de l'année, je garde Beaulieu avant Imlin. Ah ouais? OK. Ouais, parce que à 4 millions, je me dis qu'un Imlin pourrait partir, ça me donnerait de la place pour aller chercher quelque chose de vraiment mieux. J'avoue. Je dis pas qu'Imlin est mauvais. Mais juste une question de... Moi, Beaulieu, je le vois plus à long terme à Montréal. Fait que... Bref, c'est ça. Le petit bémol, il est là. Puis bon, le gardien Carey Price dort. T'sais. On est tellement surpris. Même si on n'aurait pas eu le choix, on l'aurait fait pareil. Exact. C'est pas mal ça pour ce qui est de mes joueurs du Canadien. Là. On est pas mal des listes semblables. Quoique toi, avec ton 7 attaquant, tu viens chercher pas mal plus creux que moi. Encore là, toi tu dis que tu protèges Beaulieu avant Emeline. Moi j'ai protégé Emeline vu le duo avec Weber, puis je me dis que si tu le laisses de disponible, l'équipe de Vegas ferait probablement la gaffe d'aller le chercher, mais qu'il laisserait un gros trou dans l'alignement du Canadien. T'sais. Tandis que Beaulieu, ben tu sais, si t'as Plekanec de disponible, j'ai l'impression, ou Baron qui vont ramasser eux autres avant Beaulieu. Mais encore là, gars, on n'est pas. Nous ne sommes pas le DG des Golden Knights de Vegas, donc c'est dur à deviner. Puis à ce moment-là, je me demande dans quel ordre qu'ils choisissent leurs gars, tu sais. Est-ce que c'est dans l'ordre comme inversé du classement? Fait que les meilleures équipes sont piquées en premier, je sais pas, tu sais. Ce qui fait en sorte que ben plus tu recules, moins les joueurs qui vont ramasser, ils vont avoir de l'espace sur la masse, puis moins le talent, ça va être plus des besoins spécifiques. Je ne sais pas, là. C'est comment est-ce que ça va se faire. D'ailleurs, ça, c'est une affaire que j'ai bien, bien hâte. Tu sais, comme le draft à toutes les années, le marché des joueurs autonomes, j'ai toujours super hâte, mais j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont, vont naviguer à Vegas avec toutes ces options-là. T'sais, ils construisent un club, ils sont tout seuls. C'est pas comme le dernier repêchage d'expansion où est-ce que tu avais Nashville et Columbus en même temps, tu sais, que là, ben faut que les équipes laissent des joueurs disponibles, mais tu te bats avec une autre équipe aussi. Là, ils sont tout seuls, tu sais. Fait que dès que tu as la liste de protection de toutes les équipes, ben, tu manœuvres pas mal comme tu veux, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir. Plus assez rapidement. Ouais, puis tu sais, je le sais que la Ligue nationale veut que cette équipe-là soit compétitive rapidement, mais la meilleure chose à faire, ce serait de prendre les joueurs les plus jeunes possibles. Pis, ben, ou un vétéran vraiment intéressant, puis de l'échanger contre des picks, t'sais, de faire des trades de ce genre-là. Parce que ce qu'il faut prendre en note, c'est que Vegas peut faire des transactions à partir de la date limite des transactions. Les joueurs arriveront pas avec l'équipe, ils vont finir la saison avec leur équipe respective, mais les transactions peuvent déjà se faire à partir de la date limite des transactions. Eux, c'est comme l'inverse, c'est là qu'ils débordent à ce moment-là. Fait que... Non, c'est ça, c'est un dossier qui va être vraiment cool à suivre. Je sais pas, la Ligue nationale, comment est-ce qu'elle va faire ça? Est-ce qu'ils vont faire un show un peu comme au draft avec, tu sais, tout le panel, les équipes, là, des négociations dans un aréna? Je sais pas. Ou s'ils font ça dans un hôtel, puis ils vont faxer une liste à la fin, puis que merci, bonsoir, c'est le même que ça se passe. Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent un show avec ça, tu sais. Vegas, je veux pas, c'est une ville de spectacle. Fait qu'en ouais, tu sais, décolle ça en grand, tu sais. Puis leur premier choix, c'est lequel? Es-tu numéro 1 d'office ou il est dans le boulier? Ils ont-tu beaucoup de boules pour avoir des bonnes chances? C'est toutes des affaires qu'on sait pas encore. Puis que, ben écoute, ça joue dans la patente. Là. Si tu veux que Vegas soit vraiment... C'est probablement la pire année pour drafter numéro 1 en tant qu'équipe d'expansion, là, parce que c'est pas McDavid que tu ramasses, on s'entend, là. Fait que le choix, il vaut moins, mais peut-être qu'il y a une équipe qui serait tentée de donner une vedette en échange du premier choix, tu sais, s'il est premier overall. Peut-être, tu sais. Je sais pas. Il y a beaucoup de mystères, puis ça m'allume pas mal. Je t'avouerai. Moi, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Ben, moi, vraiment, j'ai vraiment moi avec, puis juste d'en parler, on dirait, je suis comme, hey, ça s'en vient dans pas long, ça va être le fun, on va avoir du stock à parler. Ouais. Après moi, cet été, on va encore faire des shows. Sûrement. Ben, tu sais, à ces moments-là, bien spécifiques, ça serait cool de. Ben, on verra rendu là, là, mais ça serait cool aussi de suivre, tu sais, de faire des émissions spéciales de Vegas. Là. C'est très sûr. Nice, hein? C'est sûr qu'on va en faire. Mais tu sais, déjà, ça, c'est beaucoup plus intéressant que le All-Star Game. Ouais. Tellement. Ah, ça en était pathétique. Donc voilà, vous avez nos avis sur le repêchage d'expansion. C'est sûr que j'aimerais ça qu'à la fin de la saison, on refasse une tentative, parce que s'il y a des transactions impliquant des gros joueurs de, tu sais, qu'on aurait protégés, que là ne sont plus disponibles, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que Marc Bergevin va échanger un défenseur comme Emelin en vue de ne pas le perdre au repêchage d'expansion, ou même un Beaulieu, ou un, tu sais, il y a de la grosse matière là. Dans tout ça, s'ils font un show sur le repêchage des joueurs, pis tout, on fait un live. Ouais, ce serait cool, ça, un live. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un show sur le draft d'expansion. On pourrait réagir en temps et lieu. Ouais, à faire un Facebook live, tu sais, de quoi, de bien cosy là, entre nous autres, puis de le taper pareil, puis l'envoyer sur les internets par après, là, mais. Ouais, non, ce serait bien, bien nice. T'avais-tu un autre sujet, toi? Ou on passe à la palette? On va laisser passer à la palette. Parfait. On a déjà couvert celle de Jean-Michel Briard qui voulait qu'on parle de Nesterov. Il y a Alexis Tremblay qui nous demande: avez-vous des bons arguments pour me faire aimer le match des étoiles? Non. Ouais. Non. Ben, ça dépend. Dans un Lazy Boy, les pattes de levée avec une petite couverte avec un oreiller en arrière, là. Puis une petite dose de somnifère avant, là. Ouais, c'est ça. C'est un bon moment pour dormir. Oh ouais, j'avoue. Puis ça crie pas, il n'y a pas de but magique tant que ça. Mais moi, pour vrai, depuis que je suis jeune, moi, la compétition d'habileté me fait beaucoup plus plaisir que le match des étoiles en tant que tel. Là. Beaucoup plus plaisir. Là. Ça, c'est sûr. Là, moi, je reviendrai au 55, là, S contre West. Snoop Dogg, man. Yark! D'ailleurs, ça, c'était très drôle. Aucune toune censurée. Show familial. Un heure, tu sais, suite après souper, les jeux, tu sais, le match des étoiles, c'est beaucoup pour les jeunes. Ah ouais, les grosses tounes de hip-hop sales avec aucune censure. C'est très drôle. Ah, c'est allé. Ouais, c'est ça, sont habitués. J.S. Chaplot. Notre ami nous demande: est-ce que le fait que j'ai pris Jonathan Quick dans mon pool et qu'il est blessé pour toujours me donne l'autorisation de le détester amèrement? Oui. Ben, le joueur, oui. L'être humain, j'espère que non. Là, ça serait vraiment bad. Le gars, il est blessé. Là, il peut même pas vivre sa passion puis gagner sa vie. Puis toi, tu le méprises en plus, ça serait chien. Mais non, t'as le droit. Le joueur, t'as le droit. Sinon, il n'y a pas de trade dans ton pool. François Gagné nous demande, et ça, je trouve ça très intéressant comme question. Il demande: de Alain Vigneault, Claude Julien et Michel Therrien, ces trois coachs qui ont débuté avec le Canadien et qui sont encore entraîneurs après avoir pris une pause, avoir dû revenir en arrière pour effectuer un retour, et qui là actuellement ont du succès dans la Ligue nationale. Il nous pose la question: lequel des trois est-ce qu'on aimerait avoir comme coach du Canadien de Montréal et, dans le cas de Michel Therrien, le conserver? Moi, je veux Barry Trotz. Il est pas dans les choix, mais non, c'est ça rentre pas, non? Non. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a même pas de débat, là. C'est Alain Vigneault. Tu sais, Claude Julien, autant il fait bien avec les Bruins, puis tu sais, c'est un gars qui il a une bonne tête de hockey, sauf que il est tellement plate en entrevue, là. Au moins, Vigneault, il a de la vie. Va nous donner un peu de matière pour les médias, puis c'est un bon coach aussi, là. C'est indéniable, mais ramenez-moi pas Claude Julien. Ah, ben, il va avoir un mini débat. Il y a zéro charisme, là. Ben, il va y avoir un débat. Moi, je garde Terrien. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais j'ai pour cru vrai... Pendant une fraction de seconde, tu m'as eu, je l'aime. Ben non, j'ai ri. Non, non, non. Non, non mais pour vrai, il y a un débat par en main, parce que moi, je m'en fous pas mal que mon coach soit plate dans les interviews. Moi, ah, je ouais? prendrais Claude Julien. Parce qu'il est quand même capable de faire de quoi avec un club qui est rendu moins imposant. Il a quand même fait une bonne job dans 10 années avec les Bruins de Boston. Il a gagné une Coupe Stanley. Je sais pas, je trouve qu'il a quand même évolué avec le temps. Là. On ne traite pas dessus parce qu'il était avec les Bruins, mais faut le dire que c'est quand même un bon coach. Non, non, non, c'est ça. Je questionne zéro l'aspect coach. Moi, je te parle en tant que média, entre guillemets, là. T'sais, Alain Vigneault, il est vivant. T'sais, tu le sens qu'il trippe, puis il parle avec ses tripes aussi. Puis la cassette, c'est un peu moins le cas. T'sais, Claude Julien, il est beige. Ah, il est beige. Mais en même temps, si je t'enlève la question des médias, tu rends-tu Vigneault pareil? Ben, ça serait plus serré. Moi, t'sais, si tu mets at large, je te dirais que j'irais avec Boucher. Moi, c'est vraiment l'entraîneur qui me fait le plus triper, qui est capable de jaser de hockey. Je l'ai mentionné sur mon Facebook, mais l'entrevue qu'il a donnée la semaine passée avec Martin Lemay à On Jase, c'est une pièce d'anthologie. Lui-même dit « J'ai fait une erreur. Telle affaire, je n'ai pas pratiqué Day One après notre pause. J'aurais dû. Ça nous a coûté le match. Je le prends sur moi. Je l'ai dit à mes gars. » Puis, tu sais, parler franchement, mais surtout intelligemment. La cassette du Canadien de Montréal, je suis tanné, là, on en jase assez abondamment là, de pas dire les vraies affaires puis tout cacher. Je suis vraiment tanné, mais Guy Boucher parle vraiment. Puis oui, il y a des affaires qu'il peut pas dire. On s'entend, là, il n'ira pas dévoiler sa stratégie puis tu sais toutes ces affaires, mais il est quand même capable d'être humain dans cette affaire-là, tu sais, de se permettre de dire, ben écoute, moi aussi je fais des erreurs, il y a telle affaire, écoute, j'ai aimé telle performance de tel gars, ce qu'on vit avec telle situation, c'est pas facile, mais ensemble, on le fait. Puis tu sais, Carson a décidé d'embarquer dans le bateau avec moi, day one, il était dans, c'est le premier qui venait me rencontrer, puis on a parlé de stratégie, puis la patente, il a embarqué 100%. C'est pas de cassette. Puis de nous parler intelligemment de hockey, ça fait tellement du bien. C'est tellement rafraîchissant, là. Je suis en amour avec Guy Boucher. Au niveau hockey, là, je suis en amour avec Guy Boucher. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, je veux Barry Trotz. Mais pourquoi c'est lui, cool, particulièrement? Je trouve que dans le temps avec Nashville, je trouvais qu'il faisait une Christie de bonne job. Nashville a jamais été un club genre de haut classement, puis il a tout le temps été. Je sais pas. J'aime la longévité. Il y a eu 15 ans avec eux autres. C'est solide, là. Puis, il était capable de donner le club à quelque part d'autre. Avec les Capitals de Washington, je trouve que j'aime ce qu'il a été capable d'apporter. Il a changé le jeu d'un Alexander Ovechkin qui était un joueur de stats. Qui l'est un peu moins. Il joue plus défensivement. Il a changé la synergie dans le club, je trouve, avec les Capitals de Washington. C'est pas pour rien qu'ils sont vraiment dominants à ce point-là. Je sais pas, man. Barry Trotz, il y a quelque chose qui fait. Personnellement, je trouve que c'est. Barry Trotz, man. Je sais pas quoi dire de plus. Mais non, mais t'as le droit d'être en amour. T'as le droit d'être en amour, toi aussi, avec un coach, puis de trouver des choses. Moi, tu sais, c'est clairement pas un mauvais coach, là. Mais, tu sais, vu sa longévité, j'aurais aimé qu'il y ait un tableau de classe plus impressionnant en termes de gains en série. Mais, tu sais, avec Nashville, c'était pas évident, il n'y avait pas les ressources. Avec Washington, c'était un peu mieux, mais clairement, tu sais, il fait de la super bonne job, là. Mais, tu sais, encore là, c'est peut-être mon côté média. Je trouve que, tu sais, Guy Boucher amène tellement de plus que juste le coaching. Tu sais, semble être un bon être humain, tu sais. Puis il y a une tête de hockey, il y a une tête en ça, psychologie. Puis, tu sais, ça semble être plus profond que juste les fameuses méthodes traditionnelles de coaching. Mais c'est mon impression, puis c'est bien correct, là. Mais Guy Boucher, pour vrai, j'aime le choix. Puis dire qu'on l'avait dans le cours du Canadien de Montréal, qu'on aurait pu l'avoir comme coach. Ouais. Mais non. Mais non, pour vrai. Puis il avait fait une Christy bonne job aussi avec le Lightning quand il était arrivé. Puis check, cette année, comme tu dis, avec Ottawa, c'est magique, là, je veux dire. Sont au-dessus de et de loin de ce qu'ils étaient censés faire. Puis avec la perte de. J'ai oublié tout le temps son nom. Je sais pas pourquoi. Quand je sais. Anderson n'est pas là. Ouais, puis le joueur d'attaque, MacArthur. T'sais, ils ont perdu deux très gros morceaux, puis t'sais, malgré tout, sont en très bonne position là, au classement général. Ils sont dans les playoffs, puis ils ne seraient pas supposés. Ben, pas supposés. C'est ce qu'ils visent, mais on s'entend que t'sais, ils ne devraient pas être 8 positions en avant du Lightning de Tampa Bay. Là. C'est comme pas logique là, quand tu regardes les alignements. Effectivement. Mais Guy Boucher, c'est un coach de la nouvelle génération, puis lui, il va être là pour rester longtemps. Peut-être pas avec Ottawa, là, mais c'est clair qu'il va en faire une coupe d'équipe. Là. Ouais, mais en même temps, c'est qu'il bouscule aussi les façons de voir. Il y a beaucoup de DG de la Ligue nationale qui sont de la vieille école, qui sont peut-être pas prêts à ça. Le Canadien de Montréal, au moment où est-ce que Guy Boucher était dans le cours, voulait peut-être pas aller chercher, encore une fois, donner une chance à un entraîneur du Québec, une première dans la Ligue nationale. Malheureusement, ce gars, ça lui a pas servi à long terme. Je pense, quoique ils s'en sortent quand même bien avec Terrien, là. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter ces nouvelles façons-là de voir les choses. Les gens ont horreur du changement. Les gens sont bien dans leurs pantoufles. Puis Guy Boucher semble transformer ces pantoufles-là pour les revoir, les retricoter autrement. Puis ça, c'est pas facile dans cet univers-là. C'est pas facile. Dernière question du public, Yann Dupuis qui nous demande la dynastie de Lemieux ou celle de Crosby. Lequel qu'on préfère? Il va sûr y avoir un débat. Ben, du coup, je pense que c'est indéniable que Lemieux a apporté plus à cette équipe-là. C'est une équipe. Les deux, quand ils sont arrivés, là, c'était moribond, mais. Plus flashy, plus. Il se foutait des médias, il jouait plus pour lui-même que pour l'équipe à un certain point. C'était spectaculaire. Sidney Crosby, je l'ai déjà dit, c'est un plombier de luxe. Il fait tout bien, tout propre, tout clean. Mais c'est pas. C'est parce que c'est le meilleur joueur de la ligue qu'on le voit comme une étoile, mais il n'a pas cette aura-là. Tu sais, qu'un Ovechkin, lui, a. Tu sais, le flamboyant, le sens du spectacle. Puis au hockey, c'est important d'avoir ça quand t'es une vedette. T'sais, Lemieux l'avait, Crosby l'a pas. Ça enlève pas l'efficacité du gars, mais pour moi, ça enlève une petite partie de chaîne dans patente. J'aime ça. Moi, Crosby, un plombier de luxe. D'autres, c'est un plombier fait en platine, là. On s'entend, là. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a rien de flashy, puis. C'est pas une vedette dans l'âme, tu sais. Non, non, ben, c'est un gars qui est né avec le talent du hockey, point. Je veux dire, il est supérieur à la moyenne. Puis, tu sais, j'adore McDavid, mais c'est un peu la même affaire. Tu sais, c'est un gars peigné sur le côté, tranquille. Tu sais, il n'y a pas le chaîne d'une vedette à la. Tu sais, je ramène Ovechkin, c'est un peu ça, là. Tu sais, il n'y a pas cette aura-là. La Ligue nationale semble attirer les vedettes peignées sur le côté, là. Tu sais, Austin Matthews, c'est la même affaire, là. C'est un beau petit gars rangé, puis. Devant lieu, puis il fait ses petites affaires. Là. C'est bien correct, là. J'ai rien contre ça, mais je veux de la vedette, je veux du mordant, tu sais. Elle a piqué souvent, tu sais, qu'il y a ça, tu sais, il y a cet aspect-là. Moi, une vedette, je vais prendre, tu sais, le chêne, là. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, tout mon choix, c'est Lemieux, mais moi, je vais te poser une question. Mais en fait, c'est plus une observation, en fait. Ouais. Imagine si Lemieux, dans sa carrière, il aurait eu toutes ses saisons complètes en match joué. Ouais. À quel point il aurait dépassé ou à côté solide un certain Wayne Gretzky. Ah oui, non, je suis convaincu. Oui, non, c'est ça. C'est le même niveau de calibre de performance. Puis même là, tu sais, Gretzky, c'était sa vision du jeu. Il n'était pas le plus entre guillemets, performant, tu sais, par lui-même. Mais le jeu d'ensemble, son positionnement, sa capacité à prévoir toute la game. Moi, je suis convaincu que dans sa tête, la game a duré genre 120 minutes, là. Lui, la vie était au ralenti quand il jouait au hockey, là. Il avait le temps de prendre toutes ses décisions, tu sais, le côté mathématique de la game. Il était en avance sur tout le monde sur l'intelligence hockey. Le mieux, c'était de l'athlétisme. T'sais, c'était de la capacité physique de contourner tout le monde, de déjouer tout le monde sur le vif de l'action. Fait que, ouais, non, je suis convaincu que c'était pas mal le même calibre. Le mieux jouerait encore dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Ouais, je suis convaincu, ouais. C'est un prototype de joueur qui traverse les époques. Wayne Gretzky, il y aurait probablement peut-être un petit peu plus de misère dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Sa vision serait encore là, mais c'était pas nécessairement le plus rapide, puis c'est une ligue qui est extrêmement rapide aussi. Non, c'est ça le mieux. C'était de la vitesse, c'était de l'exécution, c'était du flair, tu sais. C'était instinctif. En tout cas, c'est l'impression qu'il m'en donne. Puis, tu sais, le mieux a 1723 points en carrière en 915 matchs. Là-dessus, il y a 3 saisons qui n'ont pas joué. À cause d'un cancer, là. C'est fou, là. Non, c'est ça, je te dis. Ce gars-là, des saisons complètes. J'ai pas ses stats devant moi, là, mais je pense qu'il y a une saison qui a genre comme 60 games de jouer ou même pas. Il y a genre comme 150 points. C'est comme, sérieusement, c'est une machine, là. Je veux dire, le mieux pour moi, là, tu sais, on parlait du top 100 des joueurs, là, des meilleurs joueurs de la ligue, là. Ouais. Probablement, on s'entend que tout le monde va dire que Wayne Gretzky c'est le premier parce qu'il y a les points à l'appui. Là. Pas mal sûr que le deuxième meilleur joueur de la Ligue nationale, c'est notre Mario Lemieux. Ouais, puis tu sais, je verrais. Tu sais, il y a comme un top 5 là, qui est comme établi par tout le monde. Lemieux, Gretzky, Howe, puis des gars comme ça. Là, mais oui, ouais, c'est un solide top 3, voire top 5 si tu tires bien, bien gros la sauce. Là. Mais la saison que tu parles, c'est 95-96, 70 matchs, 161 points. C'est n'importe quoi, là. 69 buts en 70 games. T'as rendu compte, là? C'est un but par match, là. C'est n'importe quoi. Pour vrai, ce gars-là, c'est une machine. Saison 92-93, 60 matchs, 160 points. 69 buts en 60 matchs, c'est comme... C'est n'importe quoi, Calis. C'est n'importe quoi. Ça mérite le premier Calis de ce show-là. C'est n'importe quoi, Calis. Voilà, c'est dit. Mais pour vrai, aller voir les stats de Mario Lemieux sur HockeyDB, là, vous allez capoter à quel point c'est... On trouve aujourd'hui qu'un joueur qui fait 100 points, on capote. Et que dans ce temps-là, on explosait. Là, là où est-ce qu'il faut amener un bémol? Puis tu sais, tu disais dans le jeu d'aujourd'hui, ça serait pas facile pour un Wayne Gretzky. La chose qu'il faut dire, par contre, c'est qu'aujourd'hui, le talent dans la Ligue nationale est beaucoup plus dilué. Avec le nombre d'équipes, ça fait en sorte que les joueurs affrontent plus souvent des adversaires de moins haut calibre. Alors que quand tu avais 20 clubs, veux pas, les meilleurs joueurs des 10 clubs supplémentaires étaient dans les autres 20. Là. Fait que tu augmentais la dose de talent. Quand il y avait 6 clubs dans la Ligue nationale, la Ligue américaine était d'un niveau incomparable. Là. C'était du vrai gros hockey. Tu sais, quand tu as 20 x 6 joueurs, tu as 120 joueurs dans l'élite, c'est fou. Là. C'est pas comme les... Tu en as presque 800 aujourd'hui là, dans la Ligue nationale. Là. C'est pas mal plus dilué. Là. Les systèmes, la façon de jouer la game aujourd'hui, la force des gardiens de but fait en sorte que le niveau est beaucoup plus élevé aujourd'hui de compétition parce que la game est rendue à un autre niveau au plan stratégique puis les aptitudes des gars. Mais en termes de talent, comment est-ce que le talent est condensé dans le temps, c'est encore plus dur parce que en moyenne, tes adversaires étaient meilleurs, tu sais. Un petit bémol, mais bon, c'est rien de c'est rien de bien bien gros en tant que tel. C'est ce qui fait le tour de nos questions et de nos sujets de cette semaine. Un gros merci Jerry d'avoir fait ce show-là avec moi et je t'invite à nous dire à moi et aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web. On peut me retrouver sur Twitter @godbout25, pas mal dans le temps des trade deadlines 1er juillet et probablement que quand il va y avoir le draft de Vegas, va être pas mal là-dessus. Aussi, on peut me retrouver sur Facebook, Jerry Godbout. Je me dis que vous me connaissez de la POC. On va pouvoir jaser le hockey ensemble. Ou de trucs geeks, parce que j'ai aussi un autre podcast qui s'appelle Les Geeks sont parmi nous, d'où on parle de trucs geeks, jeux vidéo, films, BD et tout ce qui a rapport avec un super-héros, une cape puis des petites culottes. Des petites culottes, ah bon? Par-dessus les leggings. Hein? Ouais, toujours. Par-dessus les leggings, effectivement. Donc, toi aussi, j'imagine qu'on peut jaser de super-héros ailleurs sur Internet. Sûrement. Facebook.com/JouerGagné. Je pense que c'est ça. Parce que je vais gagner sur Facebook. Sinon, l'APOC, facebook.com, l'APOC podcast, c'est la manière de me rejoindre. Sinon, ben sur Twitter, @l'APOC podcast, ajoutez-nous. iTunes, RZO Web, sportradio.ca, partout, Québec, Balado Québec, on est là, tu sais, Parlons Balado, on est dans la liste. Fait qu'on est vraiment partout avec notre émission. Et à chaque semaine, il y a de plus en plus de monde qui nous suivent et c'est vraiment génial. D'ailleurs, j'ai lancé la question piège cette semaine. Ben là, durant l'émission, j'ai demandé, Jerry, sur le prochain show, dit, même s'il est brisé, j'en veux encore. J'ai demandé, de quel joueur parle-t-il, selon toi? Donc, c'est toute la réponse. Ben là, t'as écouté le show, tu le sais, mais en tout cas, au moment de l'écrire, tu le savais pas, fait que... Hey, Inception style pas mal. Ça devenait compliqué. Donc, voilà qui fait le tour pour le show de cette semaine. Un gros merci d'avoir été du rendez-vous, chers auditeurs et auditrices. Partagez la bonne nouvelle. Dites que vous nous écoutez. Dites que vous avez un show de hockey que vous aimez, que vous appréciez. Et on a eu cette semaine l'un des plus beaux commentaires qu'on a jamais eu. Je pense, ouais, c'est Jean-Michel Brière qui nous disait que s'il nous écoutait, c'était justement parce qu'on n'avait pas la même cassette que les autres médias et qu'on disait les vraies affaires. Et s'il y a une raison pour laquelle on fait le show, c'est parce qu'on aime jaser de hockey, mais surtout des vraies affaires. Voilà, c'est là-dessus qu'on termine cette émission. Merci, Jerry. Merci, JB. Bye-bye. Ciao, là. À la prochaine, tout le monde.